إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ja'la al-humum hamman wahida. Qui a mis ses préoccupations en une seule préoccupation, ham akhiratihi, sa préoccupation de son avenir dans l'au-delà. كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ. Alors Allah le préservera de la préoccupation de la vie d'ici-bas. Rapporté par Ibn Majah et Al-Albani a dit qu'il était Hassan bon. Ensuite, nous allons commencer, Inch'Allah, le cours dans le fiqh. Nous sommes toujours donc bien sûr dans le livre de Murtasa qui s'appelle Murtasura Abi Shuja' de l'imam Abu Shuja' rahimahullah dans le fiqh al-Shafi'i dans le chapitre de la Az-Zaka et nous continuons. Donc nous étions arrêtés hier aux conditions de l'obligation de la zakat pour les métaux précieux qui sont l'or et l'argent. On a vu qu'il y avait 5 conditions. Maintenant, on va voir les cultures. قال أبو شجاع رحمه الله وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط. Quant aux cultures, alors la zakat est obligatoire dedans par 3 conditions. Il faut avoir ces 3 conditions et la zakat devient obligatoire. أن يكون مما يزرعه الآدميون. Premièrement, il faut que ça soit ce que les Adamiyoun, c'est-à-dire les êtres humains, cultivent, d'accord? C'est-à-dire, c'est-à-dire que jamais la culture a grandi par elle-même et tout a été fait par elle-même, c'est-à-dire que si on trouve par exemple un champ de blé ou quoi, c'est fait par lui-même parce que le vent ou l'eau a ramené tout ça, donc il n'y a pas de zakat à donner. Il faut que Il y a un travail de fait de l'être humain pour, ces, pour cette culture. Deuxième condition, à Fanny, Aniyakun Koutan Muddakhara. Est-ce que ça soit une nourriture de base, Muddakhara, et que l'on conserve? C'est-à-dire, et là, je dis bien, on est dans le mazhab Shafiri. Donc faites attention, quand vous utilisez d'autres mazhabs, il peut y avoir plusieurs paroles. D'accord? Et là, donc, on est dans le mazhab Shafiri. أن يكون قوتا القوت ما يقوم بدن الإنسان من طعام القوت c'est ce que donc le a besoin le corps de l'être humain comme nourriture c'est-à-dire que par exemple le poivre les épices ça n'entre pas dans ce qu'on appelle el qout donc c'est une nourriture par laquelle on peut vivre d'accord on peut vraiment se nourrir فخر به مثل الكمون وغيره بخلاف الحنطة donc comme je dis le كمون c'est tout ce qui est c'est une épice le cumin voilà comme moon si je me rappelle bien en français c'est le cumin ainsi que toutes ces épices là et autres que épices c'est, qui ne donc en fin de compte si on fait que de manger que des épices ça va pas nous nourrir d'accord on pourra pas vivre avec ça à la divergence de al-henta ou al-bur d'accord et al-qamah sont trois noms pour dire la même chose c'est-à-dire le blé al-henta ou al-bur attention c'est pas al-bir ou al-bar si on ne met pas la harakat, on écrit la même chose. Il y a un ba, il y a un ra mushaddada. Bir, bar, bur. El bur, c'est el hinta, el qamh. El qamh, c'est-à-dire le blé. El bur, avec un dhamma. El bir, c'est la bienséance, le fait de faire de bonnes actions. Comme par exemple, birul waliden, bien se comporter envers les deux parents. Et el bar, avec un fatra, c'est la terre. Parce qu'il y a el bahr, la mer et elle barre la terre ferme. D'accord, juste une petite précision, un petit profit sur la langue arabe sur ça. Donc tout ce qui est nourriture de qu'on va appeler côte, par exemple, c'est comme al-hinta wa sha'ir, donc l'orge, voilà, adas, les lentilles, el arouz, il y a plusieurs formes de dire le riz en arabe, rouz ou arouz. Le riz Ad-dhura, le maïs, etc. Et, bien sûr, on comprend par cet exemple-là, la deuxième chose qui est dit, qu'a dit donc Abu Shuja, rahimahullah, il faut que ce soit un qout et que ce soit muddakhar. Qout, c'est-à-dire une nourriture de base par laquelle on peut vivre avec, et muddakhar par laquelle, muddakhar, qu'on peut stocker. Ça veut dire quoi? Par ce mot-là, va sortir tous, par exemple, tous les fruits tels que, abricots, pommes, etc. Ainsi que, comment dirais-je, toutes les nourritures telles que normalement la viande. Bien que maintenant il y a la congélation, mais on ne prend pas ça en regard. Donc ça va être quoi? Ça va être tout ce que. Excusez-moi, il faut que ce soit une culture. C'est vrai que j'ai pris un mauvais exemple, c'est-à-dire la viande, on ne la cultive pas dans les terres, mais on la prend des animaux. Donc tout ce qui est par exemple les salades, les carottes, toutes ces choses-là, on peut pas les entreposer pendant plusieurs années, contrairement au blé, à l'orge, et au maïs et au riz, d'accord, ainsi que à l'adas, tout ce qui est lentilles et tout ce qui est fèves et haricots, d'accord, ça ce sont des nourritures de base et qu'on peut conserver pendant longtemps. Donc et je vous rappelle que là on est dans le mazhab Shafiri hein, pour ça, parce qu'il y a des divergences sur ça. Donc, il faut que ça soit, quand on cultive quelque chose, qui n'est pas d'arbre fruitier, donc on entrepose aussi les fruits, on va venir pour les fruits, ça va venir. Quand on cultive quelque chose, il faut que ça soit une nourriture, qu'on va dire de base, par laquelle on se nourrit, que c'est une nourriture de base, et il faut quand même que cette nourriture-là, la culture qu'on fait, on puisse la stocker pendant quelques années. Et donc, là, il y a une zakat à sortir. Comme les exemples que j'ai donnés, le blé, l'orge, la lentille, le riz et le maïs, ainsi que tout ce qui est fèves et haricots, etc. Ensuite, la troisième condition que l'imam Abu Shuja rahimahullah a notée, wa an yakun nisaban. Est-ce qu'il y a un nisab? Donc, comme on l'a vu, le mot nisab veut dire qu'une part, c'est-à-dire que quelqu'un qui cultive du blé qui a dans son jardin, par exemple, et qui va à la récolte. La flore, non, c'est pas la flore. À la récolte, va juste récolter, on va dire, 10 kilos de blé, il n'aura pas de zakat à donner. D'accord? Il y a une part, un minimum obligatoire à avoir. Et c'est 5 awsuq. Alors on va voir ce que c'est. Awsuq, c'est le pluriel de wasq, à la wazn af'oul, le pluriel de fa'al, fa'al af'oul. Comme shahr, ashhur, un mois, des mois. El bar, ok, parce qu'il y a une phrase qui me dit, el bar, c'est pas la flore, c'est la terre. Comme il y a el bahr ou el bar, la mer et la terre. Je répète, hein, pour le frère qui n'avait pas tout compris. Donc, comme le dit l'imam Abu Shuja, rahimahullah, il faut que ce nisab, donc cette part minimum à partir de laquelle on donne la zakat, ça soit khamsatu awsuq, 5 awsuq. La kishra alayha, il ne faut pas qu'il y ait al-kish, c'est tout, c'est l'écorce, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit dans son épi, une fois que le blé, par exemple, est enlevé de son épi. Ah! Excusez-moi, apparemment il y a eu un problème de son. Le son a été coupé. Astaghfirullah. Donc Inch'Allah, je remercie Abu Haroun d'avoir fait le signe de la main pour. Et un autre frère aussi de m'avoir contacté pour m'informer de ce problème de son. Excusez-moi. Donc là, je pense que la deuxième condition est bien comprise. Il faut que ça soit une nourriture. Il faut que la culture soit une nourriture de base et qu'on puisse la conserver quelques années. Comme les exemples donnés, le blé, l'orge, les lentilles, le riz, le maïs et tout ce qui est bien sûr, on va dire, féculent comme, les haricots secs. Hein, et voilà. Et là, on est dans la troisième condition. Donc, Abu Shuja, rahimallah, a dit la troisième condition pour que la zakat soit obligatoire. « Wan yakun nisab » Est-ce que ça soit un nisab? Nisab, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une part minimum. D'accord? Il faut qu'il y ait une part minimum. Qui est khamsatu awsuq. De 5 awsuq. Et awsuq, c'est le pluriel de wasqa. D'accord? La kishra aliha, il ne faut pas qu'il y ait de kishr sur, donc sur ce qu'on a regardé. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est, par exemple, pour le blé, c'est l'épi. Il faut que l'épi soit enlevé. Et une fois que l'épi du blé est enlevé, il faut, donc quand il ne reste que les grains de blé, il faut que ça fasse, les grains de blé, au minimum 5 wasq. Et le wasq, c'est quoi? C'est sittun sa'. Un wasq, c'est 60 sa'. Alors, la mesure du sa', c'est quoi? C'est arba'atu amdad. C'est 4 amdad. Amdad, c'est le pluriel de moud. Et le moud, c'est quoi? Donc, on va y venir. Hein. El moud, c'est quand vous rassemblez vos deux mains. Et que vous prenez par exemple du blé, pas une main, d'accord, c'est pas le creux de la main, vous rassemblez vos deux mains, d'accord, et là vous prenez du avec ces deux mains, vous prenez, rassemblez, ça va faire un creux, et là vous prenez, vous rentrez vos mains dans le blé, et là vous avez ce qu'on appelle un moud, d'accord, c'est une mesure. Alors, avec un moud, avec 4 amdad, amdad c'est le pluriel de moud. On a un sort, d'accord, sort, on a un sort. Et le wasq, c'est 60 sorts, d'accord. Donc 60 fois 4, 60 fois 4, ça fait 240 moud, ça veut dire 240, comment on va dire en français, quand on réunit les deux mains, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une poignée, parce qu'une poignée c'est une seule main, je ne sais pas s'il y a un nom précis pour quand on réunit les deux mains, c'est 200, donc 240, on a un wasq. Avec un wasq, on a 240 prise de avec la prise de deux mains. Et on a dit que pour le nisab, donc le minimum qu'il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait 5 awsuq. D'accord? Donc c'est 5 fois 240 maintenant. Ça fait. Alors 5 fois 40. Ça fait. Astaghfirullah. Ça fait 200, ça fait 1200 si je ne me trompe pas, ça fait 1200 moud. Je fais un calcul de tête assez vite, excusez-moi.